Et voilà. C'est quoi une expérience? Une expérience, c'est toute idée qui est déjà marquée dans votre programmation que vous avez. Ça peut être n'importe quoi. Exemple, t'es en train de déjeuner, puis t'as tout d'un coup une fascination sur les coupes de lait. Tu te dis, ouais, là, tu regardes la coupe de lait, c'est bien pensé, tu sais, c'est pas rond, c'est assez carré, c'est rond comme ça, mais c'est assez carré pour s'accoter sur une table. C'est assez facile à ouvrir, tu sais, c'est pas de la colle, là, genre, tu peux plus bouger rien avec ça, là. Puis là, tu te dis, j'aimerais ça faire ça, moi. Pourquoi pas? Pourquoi tu pourrais pas faire des coupes de lait? Puis les faire d'une certaine couleur, tu sais, pour que des places un petit peu trendy, comme ils disent, ouais, on a des différentes coupes de lait qui matchent avec votre robe, qui matchent avec votre habit quand vous venez déjeuner. On vous regarde, puis on vous donne le coupe de lait qui va avec. Moi, quand j'étais dans mes cours en marketing, puis j'ai étudié en administration, j'avais inventé le café en cube. Tu avais le café que tu voulais. Tu demandais une tasse de chaude, tu mettais ta chaude de café, ton petit carré de café, puis banjo. Je ne sais pas si ça a été repris, mais en tout cas, le gars qui avait fait Yoplait, le président de la compagnie Yoplait, Yop, Yop, Yop, Yoplait, c'est lui, mon professeur. Il a trouvé ça super brillant. Il dit, je te volerai pas ton idée, parce qu'il dit, les idées, ça a beaucoup de valeur dans notre milieu. Mais il dit, c'est une très bonne idée, tu devrais pousser ça. Mais moi, j'étais déjà dans l'astrologie, puis c'était ça qui était mon bag. Mais il n'y a rien qui t'empêche de dire, moi, je vais prendre du café en cube, je vais trouver le moyen de mettre du café instantané ou du café, peu importe son niveau, puis de mettre quelque chose qui va garder le morceau ensemble. J'aurais pu faire fortune là-dedans, juste avec l'idée. J'ai pas inventé le café, mais j'aurais pu le marketer. Bien souvent, ça se vend parce que c'est bien marketé. Tu vois un gars, il rentre dans une place, je voudrais avoir une tasse d'eau. Vous voulez pas de café, monsieur? Non, non, une tasse d'eau chaude, s'il vous plaît. Et puis ça, là, il prend dans sa poche, il sort, il y a différents cafés de différentes couleurs, même du chocolat chaud. Il prend son petit cube, crisse là-dedans, un petit peu de lait. Là, tout le monde le regarde autour. Oh, j'en veux un. Combien vous vendez ça? Non, mais moi, je l'avais inventé, j'avais 18 ans, exactement. Mais j'ai pas poussé ça. Mais j'aurais pu pousser ça. J'aurais pu dire à celui qui faisait du Yoplait, pouvez-vous me référer des gens qui s'occupent de ça? Café Brassard, vous en faites même. Mais je l'ai pas fait. Fait que j'ai pas passé le stage de l'idée, de la mise en vibration. Peut-être j'ai joué ma destinée, là. T'sais, on serait peut-être jamais vu parce que j'ai été en affaires. J'aurais définitivement pas été astrologue, puis encore moins Bernard Montréal, la patente, comprenez-vous? Conséquemment, une expérience, ça part d'une idée. Et plus vous êtes capable dans l'idée, qui est un point, négatif, positif, faire du développement, plus vous arrivez éventuellement à un succès. Moi, aujourd'hui, je suis plus proche de la réussite de faire de la bourse. La bourse est venue du moment où j'ai fait faillite. Quand j'ai fait faillite, 6 mois plus tard, moi, ce qui m'arrive, 6 mois plus tard, ça arrive à la planète. Mais 6 mois plus tard, il y a eu un crash boursier en 87. Et puis là, j'avais des gens qui vivaient ce que je vivais, là, que j'avais vécu, en tout cas, 6 mois avant. Et puis là, j'étais ferré, j'étais là pour les récupérer. J'en ai récupéré une couple qui m'ont relancé dans la finance, parce que j'avais lâché la finance, j'étais dans la finance, moi, quand j'ai commencé à m'éduquer. Et puis, j'ai commencé à passer les tests avec les options. Puis après ça, ben, ça s'est développé, puis ça s'est développé, puis ça s'est développé. J'ai tradé des portefeuilles. Il y a des portefeuilles, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'argent. Il y en a un, j'ai fait 32 000 dans un mois avec. Puis tout le kit. Puis j'ai été après ça. Ils m'ont fait faire la raide des. Tous les l'évêque Beaubien, là, c'était tous des Charles, toute la gang. Il y avait Charles à Sherbrooke, il y a Charles Parent, Charles Villeneuve, puis un autre Charles, je me rappelle plus. Quoi. Il y a les trois Charles de la province de Québec, je les avais tous rencontrés personnellement. Parce que j'avais pris un gars qui avait un portefeuille de 12 000, Alain. Il avait vendu son Audi, puis il m'avait donné la chose, puis il dit, joue la bourse. J'ai joué à la bourse, j'ai rapporté 32 000. Il était content, mais son courtier, lui, il dit, Chris, Alain, tu joues fort. Ramasser 32 000 avec 12 000 d'un mois, là, c'est du gros rendement, ça, là. Ah, c'est pas moi qui s'occupe de ça, papa. Et là, le gars, il voulait me voir, le directeur de. Puis là, il voulait que je dise à Alain d'acheter de l'or, tu sais, des stocks d'or à Vancouver, dans le temps que ça existait. Puis tout le kit. En tout cas, j'avais passé toutes sortes de contacts à cette époque-là, puis ça a renforcé mon idée de continuer. Puis j'ai dû gérer au moins une trentaine de comptes. Puis mon plus gros problème, c'était, comment qu'ils disaient ça, là? On gagne et toi, tu perds. Ah, non, ça. On partage pas le même combat, hein. Quand c'est on gagne, puis tu perds, ça veut dire que c'est toi qui se ramasse, quand ça va mal, ça se ramasse avec la marde. Sans compter toutes les petites trahisons que j'ai vécues là-dedans. L'argent, c'est horrible comment l'animal sort. Tout ça pour dire, passer à travers de ça. Aujourd'hui, je commence à avoir le salaire de ça. J'ai la régularité, le calme. J'ai surtout l'avantage d'être là au bon moment. À chaque fois que je vais pisser, j'ai une trade à faire. T'es au bout? Quand même. Tu sais, quand tu dis, c'est quoi ton horaire? Ben, ça dépend de ma vessie. C'est pas si pire. Hein? Il n'y a pas de « je travaille de telle heure à telle heure ». Non, non, non, non. Tu as envie de pisser, tu vas checker ton computer après, parce que j'ai déjà pissé dans mes culottes, parce que je vais te voir le computer avant. T'entends? Fait que tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je suis rendu au succès. Et je suis pas mal content. C'est comme j'ai plus peur de perdre ma job tout d'un coup. C'est bon, hein? Ça vient avec bien des tests négatifs là-dedans. C'est très bon perdre. Ça te rend plus aiguisé. Mais c'est plus que de la compétence. Il faut un appui des forces. Si t'as pas l'appui des forces, oublie ça. Ça va être des grosses pertes, des gros gains, des grosses pertes, des gros gains. Puis ça, c'est toujours le fait que c'est parce que t'es pas rendu à la bonne barre, là, tu sais. Si t'es rendu ici à la bourse, t'es pas sûr. Commence à être sûr ici. Ici, là, tu commences à être sûr dans le maudit. C'est ce qui fait que les gars sont capables de gagner leur vie là-dedans. Ils sont rendus là. Ils ont passé toute l'expérience de ah, si je veux me suicider, c'est pas pour les computers, je sais pas, c'est pas assez. T'as toute la chance en vie de pouvoir faire des dépanneurs, des banques, n'importe quoi, d'apprendre des trucs ou. En tout cas, c'est ça qui est ça. Fait que la vie est test, test, test, juste à partir d'une idée. T'as juste une idée. Hey, moi, j'ai empoisonné au moins 300 personnes avec ça, l'idée de faire de la bourse. Charlie était courtier. Chose gingras, Francis, il est devenu le gars qui installe les systèmes dans les computers des maisons de courtage, là, des robots traders qu'ils appellent. Il y a eu Rommel, tu l'as connu, Rommel Mentor, hein, il a fait bien l'argent, Rommel. Il y a eu plein. Puis tout le monde, il y en a plein qui ont arrêté ici, en quelque part, puis qui ne sont pas rendus là. Pourtant, c'était une bonne idée. Hey, quand tu dis 80 ans, là, tu peux encore faire l'argent. T'es pas obligé d'aller dehors, te faire geler l'hiver. C'est une maudite bonne idée, hein? Mais j'ai vu que pour avoir une bonne idée, c'est une bonne idée, mais pour être capable de le vivre, il fallait plus qu'avoir une bonne idée. Il fallait passer des tests. Puis qui dit test, comme moi, quand je fais du fictif, je me teste. Puis le test ultime, c'est mettre de l'argent dans le marché. Tu entends? Mais essayez pas de sauter un test, là. Si vous n'avez pas fait le test du fictif, là, vous allez manger de la marde, vous allez manger de la marde. Parce que tu connais pas la profondeur du test négatif. C'est con. Parce que, à la bourse, un test négatif, c'est combien ça coûte? Moi, quand j'ai compris que ça coûtait de l'argent, j'ai dit, oups, on va rester en fictif jusqu'à temps que je sois prête. Et j'ai fait le bon choix. Faut dire que dans mon cas, j'ai pas ben, ben le choix. Mais j'ai fait le bon choix. Donc, si une expérience commence d'une idée, c'est bien important dans votre vie que vous soyez capable de regarder jusqu'où vous pouvez aller dans une idée. Et vous allez comprendre assez rapidement que si moi j'ai une idée, c'est bien important pour moi d'aller jusqu'au bout. Parce que le bout d'une idée, c'est la profondeur des tests qui viennent avec. Ça pour vous dire que aller au bout, votre bout, ça va vous amener à un potentiel d'intégration dépendant de votre programmation. Mais une idée, quand vous en avez une bonne, allez jusqu'au bout. Sinon, il va tout le temps y avoir comme un déséquilibre dans votre vie. Si vous n'allez pas jusqu'au bout, c'est quoi la vie? C'est plate la vie. La vie, c'est Christ. T'es sûr que tu vas crever, là. Fait que la vie, c'est d'aller jusqu'au bout. Dans n'importe quoi. C'est ça qu'on dit, aller au bout de l'expérience. Sinon, vous êtes quoi? Vous êtes des no-names, là, tu sais, des canards sans étiquette. T'sais. That's it. Bon, vous laissez poser des questions. Comment t'es capable? capable de savoir si ton expérience, ça t'appartient ou c'est pour toi ou c'est pas pour toi. Ouais. J'ai toujours dit, j'avais une petite phrase célèbre, si t'es pas mort, il y a une raison. Non, mais si ça t'est présenté une expérience quelconque. Ouais, l'expérience, je te l'ai dit, ça part d'une idée. Ouais, Ben là, mais je comprends pas ta question. tu peux pas inventer une idée pour avoir une expérience, c'est ça? Comment une Non, idée mais t'appartient? j'ai dit une idée. Une idée, c'est n'importe quoi qui passe à la radio. J'ai parlé d'une affaire, tout ce qui est de plus banal, une coupe de lait. J'ai dit, ah, j'aimerais ça pousser ce produit-là. Ça part d'une idée. Qu'est-ce qui détermine si cette idée-là, c'est pour toi ou pas? Donc, tu disais tantôt, Ah, tu veux tu dire, peux ben, limite. chanter, tu es capable de chanter comme une fille de 10 ans, c'est évident. Ben, c'est C'est comme ça, évident. il faut que ça soit évident que l'expérience est pour toi ou non, c'est pas pour toi. C'est évident que l'expérience d'une petite fille de 10 ans avec une petite voix haute, c'est pas pour toi. Ouais, c'est C'est évident. évident. Ouais. Mais des fois, c'est pas aussi évident que ça. Oui, puis donne-moi quelque chose qui n'est pas évident, parce que là, c'est évident que c'est pas évident. Donne-moi quelque chose qui n'est Puis pas toi, je évident. te pose la question, comment tu détermines Ben, si c'est évident? tu vibres ça, tu trouves ça, t'as le cop de lait, là, tu dis, ouais, c'est. Ben, moi, le café en cube, ça m'est venu comment? J'étais dans un cours de marketing, je voulais pas réinventer le café, je voulais réinventer la présentation du café. J'étais dans un cours de marketing. Marketing, c'est quoi? C'est de vendre l'invendable. Mon gars, il a fait de l'argent sur le net, pourquoi, lui-là, avec eBay? Parce qu'il était bon publiciste. Il présentait des niaiseries, une lumière de char, une lumière qu'on met en avant des xénons, là. Il y avait plein de monde. Il y avait même Hong Kong qui vendait ses lumières, qui se vendait aussi sur eBay. Mais il n'y avait pas le sens du marketing comme Jojo. Les Chinois, ils l'ont pas l'affaire. Et lui, il avait la même lumière, il la vendait plus cher parce que l'autre, il la vendait sur eBay le même prix que lui a payé. Puis parce qu'il n'y avait pas de marketing, qu'est-ce que tu penses qu'il disait? Il dit, même les Chinois ne font pas des bonnes bulles comme ça. Ils les achetaient de Chine. Avec les gens, par insécurité, ils achetaient ça du Québec, des États-Unis. La publicité disait, achetez pas en Chine. Un jour, il marquait ça, achetez pas ça d'un Chinois. C'est made in China. Achetez ça de moi, le bulbe est meilleur, il coûte 2 piastres de plus, mais il est justifié. Il en vendait plus que les Chinois, qui lui vendaient à lui. C'est une question de publicité. Il y a tellement de choses qu'on l'achète à cause de la publicité. C'est hallucinant. Fait que tu prends une idée, tu te dis, bon, moi, je vois juste le marketer différent. C'est pour ça que j'ai dit, du café en cube. Puis j'avais tout mon scénario de film, de publicité, là, tu sais, les 2 minutes Mais qui te passent à chaud, 1 minute, je sais pas trop. Ma pub, là, tu sais. l'expérience dont tu parles, Oui. à l'université avec ton club de café, tu ne l'as pas amené au bout. Oui, parce que moi, j'avais déjà l'astrologie qui me pompait tout mon sang, là. Tu n'avais pas la libération de la rendre jusqu'au Mais bout. c'est parce que ça me demandait de l'intervention extérieure, puis je ne l'avais pas, ça. J'avais pas les contacts pour ça. Puis j'étais déjà loadé. Moi, je tirais au tarot, m'a dit, quand j'entrais dans la cafétéria, Daniel, viens ici, viens manger à ma table. Et là, tu sais, Chris, t'en as 40 esti dans la cafétéria sur 200 là, qui veulent t'avoir à sa table. Qu'est-ce que tu penses que, hein? Vous voulez se faire tirer au cap? Kratos. Okay. C'est comme si tu me dis l'expérience, tu peux pas t'en échapper. Si tu as une idée, puis il faut que tu la rendes jusqu'au bout, c'est que Ben, supporté par tu es la vibration. tellement marié avec jusqu'au bout. Ben, t'es marié par la Ouais, vibration. OK. C'est ça. C'est une idée. Il faut être des idées. Une idée, t'as une idée, puis t'embarques dedans, puis tu t'engages. C'est quoi un couple? Tu sais ce que tu vis avec Hélène, notre pain bout, là. T'as un engagement, sacrement, c'est pas plus que ça. L'autre, elle m'a dit, il te crie après, il gueule, c'est pas son genre, mais quand même, elle peut manquer ses toasts le matin, tu sais. On peut imaginer qu'elle fait de la cuisine, mais qu'à un moment donné, si elle veut se venger, elle te beurre ça avec du sirop plutôt que des confitures, puis tu te quittes. Putain, mon tabarnak, mange ça avec du sirop, hostie. Là, c'est tout choqué qu'elle a été dans sa vie, mais quand même, tu sais. Là, toi, t'es généreux, tu passes à travers de ça, puis tu te dis, bon, on va se rendre pareil, là. Il y en a un des deux qui va pousser la roulette de l'autre. Mais comme il est à l'entraînement, comme. Comment ils appellent ça, là, les centres de personnes âgées, ça risque d'être toi qui es dans la roulette. Ouais, ça Elle te précède, c'est là. un défi que je me fais. Est-ce qu'il faut Question? aller nécessairement au bout de l'expérience pour l'intégrer? Oui. Sûr. Ça, c'est garanti, ça. Garanti. D'ailleurs, les réincarnations sont basées là-dessus. C'est le fait que tu n'as pas intégré quelque chose que tu as commencé dans une autre vie. Oui, probablement, j'étais samouraï d'une vie, puis j'ai quelques chums qui sont revenus de cette période-là, peut-être une dizaine, quinzaine. Puis, eux autres sont peut-être faits à Harakiri, parce que l'empereur, le shogun, je sais pas, il fait une gaffe, là, quand tu regardes la psychologie des samouraïs. Moi, j'ai eu probablement... j'ai vu les 47 Ronin, là, puis j'étais pas d'accord à ce qu'ils s'assassinent à la fin. Non, il dit, moi, tant qu'à moi, là, c'est moi, là, moi, le shogun, je le passe au sable. Il me passera pas au sable, ce style-là. Fait que j'ai probablement eu ça à régler dans d'autres vies, là, les rapports à l'autorité. Et puis, c'est ça. Je suis content. Je suis content. Je pense que je me suis pas fait casser d'une vie à l'autre. Quand est-ce que tu sais? Ça. Je le vibre. Je le vibre. Être astrologue, puis avoir gagné ma vie dans l'invisible, l'occulte, avec tous les interdits policiers que j'avais au début. J'ai passé proche de faire la prison parce que je faisais l'astrologie, moi. Puis j'ai eu la présence d'esprit de dire au détective, j'ai dit, écoute, ben, c'est quand même m'arranger ça, moi, de faire une carte du ciel. Ah, il dit, ma femme, elle aime ça plus que moi. Il me dit, moi, t'arrange ça pour 25$. Là. Ça m'a coûté, en fait, juste une carte du ciel. Mm. Tu sais, quand t'es marqué, hein. Il y a quelque chose qui te supporte. OK. Voilà. C'est, aller jusqu'au bout, c'est un grand support d'une énergie d'engagement. Quand tu es engagé, il y a quelque chose de psychique qui te supporte. Mais quand tu dis ça, exemple, tu règles, pur exemple, là, tu règles avec le négatif, tu veux dire que toi, tu es tombé dans le négatif, exemple, avec ton ex. Là. Puis, au fond, au fond. Pour toi, tu étais plus capable, c'était quoi, ou tu étais plus capable, ou que. Quand tu savais que c'était fini, c'est quoi? Ben, j'aimais plus. Ah, OK. Mm-hmm. Si t'es plus capable d'être généreux, t'aimes plus. L'amour, c'est de la générosité. Le jour où je suis plus généreux, moi, là, c'est fini. Là. L'autre m'a brûlé. Là. Moi, je considère que l'éducation que j'ai donnée à mon gars avec la finale que j'ai eue, là, c'est pas mal allé jusqu'au bout. J'ai été au bout du couple puis de la famille. OK. Ben, t'aimes. Moi, quand je vibre quelque chose, là, j'aime les carabines, j'aime. Tant que j'aime, je suis correct. Moi, j'aime faire ce que je fais comme travail. J'ai réellement le don de la parole, tu sais, le pouvoir, que maintenant, ils appellent ça le pouvoir de la parole. Moi, je l'ai, le pouvoir de la parole. Pas tout le monde qui a ça, là. Tu sais, pour le pouvoir de la parole, faut pas que tu parles bien. Faut que tu vibres ce que tu parles. Ben, j'ai du contenu. Pourquoi? Parce que je vibre. J'ai toujours la capacité de vibrer ce que je parle. Tandis que la plupart des gens, ils perlent. Et c'est, il y a une belle diction. Les Français, hein, c'est des perleurs. Moi, je suis un parleur. Chris, j'étais en France. Bon, il était décoiffé à chaque fois qu'il avait fini une conférence. Il était plus capable de se retrouver dans le livre. Il ne pouvait plus retrouver le référence. Il était blasté bien dur. J'ai fait passer une femme, la présidente de sophrologie mondiale, j'ai fait passer sur le contact, elle capotait. Elle disait à tout le monde dans la salle, écoutez, M. Ménard, elle dit, c'est plus qu'un conférencier. Elle dit, ça va au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Je sais, c'est un initié, gaulliste, mais là-bas, tu sais, je brassais pas trop ça, parce que pour eux autres, initiés, c'est ils confondent maître et initié. Un maître, c'est une affaire, puis un initié, c'est une autre affaire. Ben, je ne suis pas un maître, moi, là. C'est un maître, ça ferait longtemps que j'aurais arrêté. J'oublie ça. Mm-hmm. Un initié, il est fait pour le faire. Est-ce que l'idée est en elle-même une expérience? Non, parce qu'il n'y a pas de bout dans l'idée. Tu sais, même si tu crachais... Ben, non, j'ai du montage en face, là. Qu'est-ce que tu veux faire avec la parole? Mise en vibration? Non. Parce qu'il faut, avant que tu parles, il te met en vibration. Fait que si t'es pas mis en vibration, tu parles. Le plus loin que tu peux aller avec la parole, c'est argumenter. Puis c'est pas un argument qui a de l'impact. Ce qui a de l'impact, c'est qu'est-ce que t'as à vendre. Et pourquoi? Parler pour parler, c'est juste brasser des idées. Brasser des idées comme tu regardes Facebook, quelle est la chance que tu vois y apparaître quelque chose de concret avec tout ce qui se dit là-dessus? C'est tellement niaiseux, là. Tellement niaiseux. Le monde se chicane, ils sont jamais vus. Tu te chicanes avec moi, fuck, tu vas vivre raide. J'en ai pogné un, moi, là, dans le temps que Mireille m'avait donné quelque chose. Un français. Ah, sacrément. C'est là que j'y est apparu l'affaire de, tu t'attaques tout le temps au messager, tu t'attaques jamais au message. T'as un problème de personnalité, bonhomme. Tu te fais pis de son nom. C'était un français, là, qui avait du mot en masse, là. Moi, j'étais un canal. J'étais un gars qui est messager, mais qui donne la pôle au message. Intense, là. Vous n'êtes jamais assez intense. Cultivez ça, l'intensité. Puis, donnez-vous pas de limite. La limite ultime pour les forces, c'est la mort. OK, c'est parti. Bon, ce soir, on parle de l'intégration de l'expérience. C'est un sujet extrêmement terre-à-terre et hautement instructif. La vie, c'est quand tu viens au monde, tu es un enfant et tout part de ton nombril, dans le sens que tout semble être fait pour pouvoir se raccorder dans les expériences à toi, à ton jeu. Tu as besoin de passer par l'âme pour donner un sens à l'esprit, dans le sens que l'esprit fait vibrer un ego, fait vibrer un âme, l'âme étant plus ou moins la structure dans laquelle tu vas te référer toute ta vie. C'est un vase qui va contenir différents états, différents climats, différentes ambiances qui vont traiter avec l'émotion dans un temps et éventuellement avec une vibration. On pourrait dire que l'émotion, c'est l'expérience la plus apparente de l'âme et que tout ce qui est émotif réfère à l'âme et sert à la construction du vase qui va éventuellement contenir une vibration. La vibration, c'est totalement impalpable. Ça n'a pas de structure en soi, mais ça a une direction fondamentale, le sens de la vie. Le sens de la vie vient de l'esprit, et la vie, dans le sens existentiel du terme, c'est le cadre de cet esprit-là qui donne une direction et le carburant nécessaire pour vivre justement vos expériences. Donc, conséquemment, on peut dire que c'est impossible de ne pas passer par l'âme. Et c'est sûr que c'est l'esprit qui habite votre contenant ego-âme. Comme j'ai expliqué souvent, l'ego est représentatif d'un ordinateur. L'âme est représentatif du programme qu'on met dans les ordinateurs. Donc, vous pouvez avoir plusieurs programmes dans votre vie, comme vous pouvez avoir plusieurs directions de vie dans votre vie, qui vont être animées par un go-clavier, qu'on va appeler l'esprit. L'esprit, c'est celui qui justifie la présence d'un ordinateur avec des programmes dedans. C'est pour ça qu'on dit que c'est lui qui donne la direction de vie, l'esprit, parce que l'ordinateur et le programme ne peuvent pas rien faire autre que d'attendre d'être animé par quelqu'un qui va le piloter. Vous me suivez? Une personne qui devient comme obsessionnelle devant son ordinateur, c'est là que je dis qu'il met son cheval sur ses épaules. C'est l'âme qui le pilote. Il est piloté comme quelqu'un qui s'en va sur Facebook, Twitter, puis ces affaires-là. Il vient comme complètement gaga. Il n'est pas capable d'encadrer toute cette expérience-là. C'est comme trop large. OK? Tandis que quelqu'un qui va aller sur Facebook avec un cadre puis une direction bien claire, il va dire, moi, je rentre là-dessus pour ça. Puis si ça fait pas ça, c'est « fuck all ». Vous me suivez? « Fuck all » voulant dire « je laisse tomber l'expérience ». Donc, l'expérience, elle a un cadre potentiel, mais ça veut pas dire qu'elle a un cadre potentiel pour tout le monde de la même façon, parce qu'on n'a pas tous les mêmes programmes, on n'a pas tous le même computer. Fait que j'avais une image quand je descendais tout à l'heure en auto. On est un point, on vient au monde, puis à cause qu'on a de l'ego et de l'âme, on est un point qui, toute sa vie, va chercher une expansion. Fait qu'avec le temps, on va, comme on dit, spiraliser notre vie. Et il y a une moitié de notre vie qui est un test qu'on pourrait qualifier de négatif. Et évidemment, j'écris au tableau, pour ceux qui écoutent, essayez de vous imaginer une spirale qui est tranchée par la moitié par une ligne, et puis ça, c'est l'aspect négatif. Puis après ça, l'aspect positif, qui est positif, qui est l'équivalent de ce que les gens appellent un succès. Tes bébés, t'apprends à faire ton petit caca puis à manger. On devrait dire le contraire, hein, étant donné qu'un est la conséquence de l'autre. Puis tu as un succès, ça va. Tu as des coliques, oups, c'est un test négatif. Donc, il y a des aspects de ta vie qui doivent commencer par un facteur ascendant, dans le sens une zone de succès. Sans ça, tu vas vouloir te suicider à l'âge de 3 jours. Puis, il y a des facteurs négatifs. Tu vas broyer pendant la nuit parce que tu as de la misère à digérer. Puis là, ta spirale a grandi avec des tests et des succès, des tests, des succès, des tests, des succès. Vous ne pouvez pas échapper aux tests. Et comme vous allez tout le temps avoir des succès. Vous pouvez pas avancer, pas de succès, puis vous pouvez pas reculer dans le sens de pas vouloir passer un test. Vous me suivez? La seule chose qui va vous empêcher de continuer à développer votre spirale, c'est des obstacles qu'on qualifie dans les lectures qu'on se fait de la vie d'insurmontables. OK? Donc, l'expérience, c'est la somme. C'est la somme de tout ça. C'est la somme de vos succès et de vos tests et ce qui arrête votre expansion mental, c'est ce qu'on appelle les obstacles de vie. Donc, dans votre programmation, on va dire, vous avez le potentiel de faire telle chose, mais le où vous êtes rendu, c'est que vous êtes bloqué sur un test où le succès vous a monté à la tête. Et conséquemment, si le succès fait un trop grand débordement et vous ne passez pas à d'autres tests pour continuer à vous expandre, bien là, vous êtes arrêté. Et la raison pourquoi vous n'intégrez pas devient automatiquement votre blocage. Là où s'arrête votre intégration, s'installe le blocage. Bon, je vais vous expliquer que le final, c'est-à-dire l'intégration, est appelé à se vivre au niveau de l'esprit et non pas au niveau de l'âme. Comprendre son expérience, c'est pas intégrer son expérience. C'est simplement faire un survol intelligent, sage, de ce que se vit dans la vie. On va dire, ben moi, là, j'ai fait du ski, puis je suis arrivé à mon top, et puis conséquemment, je comprends pourquoi j'arrête, papa. Ça n'établit pas que vous avez intégré. Parce que si vous n'avez pas été au maximum de vos capacités et que votre double vous pousse par vibration à aller plus loin et que vous refusez cette expérience, donc vous êtes poussé, mais vous l'actualisez pas parce que vous le comprenez, puis en disant que tu l'as compris conséquemment, tu dois à ce moment-là, on va dire, t'arrêter, bien, tu es pris avec un obstacle. On va le qualifier, cet obstacle-là, de mental, mais c'est un obstacle, tu as peur. En quelque part, tu as peur. Tu as peur d'aller plus loin, mais tu peux aller plus loin. Mais en pouvant pas aller plus loin, ça veut dire que tu n'es plus capable de suivre ta vibration initiale parce que tu es bloqué par un système de valeurs. Toutes les gens qui ont des systèmes de valeurs sont bloqués, éventuellement, à être capables de vivre vibratoirement. Ils peuvent faire des choses à la vibration, mais pas, c'est pas reconnu comme une vibration. C'est reconnu comme un coup de loc, une chance d'eux, alors que c'est un support de l'esprit. L'esprit vous met 1 million dans le compte, puis il dit, bon, ben, t'es capable de faire ça. Puis toi, tu dis à 100 000, je n'ai assez, là. Je n'ai assez pour moi. Mais c'est pas ça que l'esprit veut, lui. Il veut que tu dépenses le million pour que tu puisses vivre quelque chose au bout. Vous me suivez? Bon. Vous allez dire, ouais. Et je pense que je comprends plus un jour pourquoi j'ai fait quelque chose que de voir que j'ai une vibration qui me pousse à faire quelque chose. Et je vous comprends. C'est le blocage sur la planète. C'est ça. Pourquoi les gens sont pas capables d'aller se développer dans l'affaire de « c'est pas nous autres qui pensent » Ben c'est à cause de l'incapacité d'intégrer. Ils sont dans une compréhension animique, une compréhension du mouvement de l'âme. Ils comprennent que dans la vie, il fait soleil, il pleut, donc il y a des succès, puis il y a des tests, mais eux autres vont dire « je suis bloqué, des blocages », ils vont parler de blocage, ils parleront pas de tests. Un test, ça s'attaque à un blocage c'est statique, c'est quelque chose qui est marqué dans votre carte du ciel. Et puis, c'est comme, tu sais, je vais vous dire ça, vous allez vous reconnaître là-dedans. Quand vous êtes gêné, c'est que vous êtes dans une expérience qui vous dépasse, au niveau de l'âme, et sur lequel vous voyez pas que vous avez la puissance de le faire éventuellement. Donc, vous n'êtes pas capable de reconnaître une vibration qui vous pousse à pas lâcher. OK? Donc, être gêné, les gens vont dire, ouais, t'es gêné parce que t'es orgueilleux. Tu voudrais faire plus. Mais tu peux pas. Tu peux pas parce que tu laisses pas faire quelque chose qui pourrait te le faire faire. Vous me suivez? Bon. Moi, si je dis exemple, moi, je peux pas me marier, j'ai trop de chats chez nous. La personne va dire, flush les chats, puis Chris, ça rentre pas une femme chez vous, ça va être plus propre. Pourquoi que si je rentre quelqu'un chez nous, ça serait plus propre? Parce qu'une femme, c'est une femme. Une femme, c'est une femme de ménage? Écoute, j'en connais un Chris de l'eau que c'est pas des femmes de ménage. Puis ça va être aussi sale après qu'avant, parce qu'on est tous les deux traîneux. Mais c'est une logique de la masse. C'est une perception de la masse. Les gens sont traînés au niveau de l'âme dans des perceptions de masse. On te fait, avec la publicité, la radio, les médias, on te fait croire. Mais croire, ça n'établit pas une lecture réelle de la situation. Vous me suivez? Donc, il faut vous démêler dans l'affaire d'avoir du succès. Exemple, le succès pour certaines personnes, c'est de vivre en couple. Le succès, pour moi, c'est de ne pas en avoir besoin. C'est relatif, le succès. Vous me suivez? Moi, réussir à vivre seul, c'est bien plus grand succès d'être capable de vivre à deux. Ça, je suis capable de vivre à deux, ça dépend de l'autre. Pas compliqué. Si l'autre est fin, je suis fin. Si l'autre n'est pas fin, il m'a une claque saillotte. C'est clair et net. Oui, donner ça à mesure de ce qui me fait vivre. Tu sais, c'est un bon miroir. Un miroir clair, il n'y a pas de concave, d'octave, ou de ci ou de ça. Fait que tout est relatif dans la notion de succès. Ça dépend justement de ton expérience, puis de qu'est-ce que ça te pousse à faire. Puis on n'est pas tous poussés vers les mêmes raisons, pour les mêmes raisons, parce qu'on a, à la naissance, dans le petit point noir qui est ici, là, on a une programmation. Puis notre programmation, elle connaît déjà d'avance tous les tests négatifs. Ça, c'est tous les aspects de Saturne, Pluton, Uranus, même des fois Neptune. Et puis, quand vous traversez cette charge négative, quand vous mangez votre pain brun, vous avez votre pain blanc. Mais c'est une polarité, ça, cette affaire-là. Négatif, positif, les succès, vous n'avez pas de succès sans avoir passé des tests. Avez-vous déjà vu des gens gagner aux Olympiques sans avoir pratiqué, sans avoir fait des efforts surhumains ou, du moins, pas communs pour arriver à? Tant qu'un individu se tient dans la normalité, c'est absolument impossible d'intégrer. Parce que toutes ces références sont réfléchies à partir de la masse. L'intégration, c'est une affaire totalement individuelle. Et quand vous intégrez, vous vous bâtissez une identité. Sinon, vous allez vous bâtir une personnalité. Parce que quand vous êtes en référence avec qu'est-ce qui est correct dans la société, c'est pas de l'identité que vous forgez. Vous essayez de convenir à l'ensemble. Et ça vous développe une personnalité. Fait qu'on va dire la personne a une belle personnalité, mais elle est dans la mafia, puis avant de la drogue, où les petites filles se font violer, la drogue du viol, ça fait la même. Puis on va dire, bon ben, hey, hein, y a-tu, hein, il paraît bien. C'est sûr que Christ, quand t'as 1 million dans ton compte, t'es capable d'aller, si t'es gros, tu vas chez Beauvais, puis si t'es bien, tu vas chez Ernest, puis tu t'achètes le linge que tu veux. Mais tu conviens à une collectivité. Quand tu conviens à une collectivité, il n'y a pas d'intégration. Mais il y a beaucoup d'expériences cumulées. Au mieux, tu vas être sage. Dans ta vie, tu sais, même en prison, quand les gars se donnent des trucs pour faire des vols, ils sont sages. Les plus vieux vont dire, ben écoute, quand tu voles une auto, tu fais ça à telle heure, puis de telle façon, puis t'es mieux d'utiliser tel outil, puis faisant pas trop dans ton coin, change de place. Tu sais, c'est de la sagesse. Du mal, mais c'est de la sagesse. C'est pas de l'intégration. Quand un individu passe à l'intégration, il reconnaît qu'il est poussé à ça. Il est net. Et tout ça pour dire que avoir du succès, ça dépend si vous le vivez sur un point de vue social, commun, public, ou si vous le vivez sur un plan personnel avec une perception de la vibration. Moi, je regarde ma vie depuis quelques années, c'est un succès total. La preuve, c'est qu'ils m'ont donné un char. J'attendais tout le temps de la reconnaissance. Ça viendra jamais. Mais quand les forces te disent, tiens, achète ça. Ah, grand ça, oui, c'est la vibration. On n'a pas trop de problèmes, c'est la reconnaissance. Fait que là, j'ai un beau Mercedes que j'aime. Puis coûte pas si tant cher que ça à faire réparer. Ça a bien de l'allure. En considérant tout ce que ça apporte, là, c'est un bon deal. Bon. On va dire, ouais. Il faut passer des tests. On ne peut pas intégrer si on ne passe pas de tests. Le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est l'effort qui doit être mis pour arriver à un résultat. Considérez ça, si vous comprenez juste ça, vous allez comprendre que la vie, ça ne peut pas être facile au succès À moins que tu aies déjà mangé ton pain brun dans une autre vie. Ça arrive. Quand tu regardes des petites filles de 10 ans, 7 ans, aller chanter comme Maria Callas ou n'importe quoi, tu vois bien que le talent, là, il n'a pas été appris dans le ventre de sa mère. Là. Ça va plus loin que ça. C'est carrément, tu regardes le père, tu regardes la mère, tu dis « Ouais, on s'entend que... » Il y a un facteur qui a influencé la situation qui n'est pas en rapport avec les résultantes de la famille. De toute façon, la famille, la seule chose qu'elle vous apporte vraiment, c'est une génétique. T'sais, moi, j'ai la génétique de mon père qui était mécanicien, puis ma mère qui était cultivateur, en tout cas sur une terre. Et puis, j'ai une bonne génétique. Je ne tombe pas malade souvent, je te jure. Mais ça, c'est mon héritage qu'on pourrait qualifier de karmique. Ce que vous avez de vos parents, c'est principalement la génétique. C'est sûr que ça a une certaine influence, parce que si c'est une génétique de sportif, mon père il avait une génétique de pilote de course, puis moi vous dire une chose, je l'ai dans le sang pas mal, mon frère aussi, puis ma soeur, je sais pas, elle, c'est du cheval qu'elle fait. Tout ça pour dire, grosso modo, que si vous avez un background qui vient de la famille ou de vos origines ADN, là, c'est une plateforme pour commencer à vous faire une tasse. C'est comme de la terre qu'on donne à quelqu'un qui fait des pots en terre cuite, là. Comment qu'on appelle ça? L'argile. Pas? L'argile, non, mais le gars qui fait ça, c'est comment? Un potier, c'est ça. Fait que vous avez la chance d'être, avec une éducation, d'avoir un bon potier ou un mauvais potier qui va utiliser votre matière pour pouvoir vous faire un vase pour qu'éventuellement l'esprit descende là-dedans avec une cohérence puis avec une capacité de résultante, surtout. Il faut que ça apporte des résultats parce que vos succès vont être supportés par la mise en vibration. Puis la mise en vibration dans... Tu sais, la petite fille, quand elle a regardé petite Hollandaise, quand elle a regardé YouTube, elle a vu chanter Maria Callas, elle a dit « Moi, je veux faire pareil. » Puis fuck, elle a réussi. Elle n'a pas eu de professeur à rien. Elle a juste répété ce qu'elle entendait à YouTube. J'ai essayé, moi, je n'ai pas été capable. Il me manquait quelque chose. Ben, j'ai pas eu de succès positif, mais j'avoue que j'ai pas été poussé vers une grosse vibration à part la curiosité. Ça entend? J'avais de la misère des autres. Fait que si vous avez des tests négatifs, ça c'est parce qu'il y a un effort à mettre. Et si vous n'êtes pas supporté par la vibration, vous passez pas vos tests. Parce que ça demande souvent dans un test un niveau de combat, un niveau de lutte qui est très difficile à vivre pour arriver à la résultante d'un succès. Pensez aux premières fois que vous avez conduit un auto. C'était pas naturel, ça là. Si c'est pas naturel, il y a un effort à faire, un effort de concentration. Aujourd'hui, vous dites, bon, ben, moi, je suis un assez bon pilote. Bon, ben, assez bon pilote, peut-être que vous vous êtes rendu ici, puis vous êtes un conducteur à qui on peut accorder des licences, puis qu'on peut mettre ça à route, puis c'est plus ou moins dangereux. Maintenant, vous êtes confronté à du verglas, ça demande d'être là. Puis là, vous êtes pas là. Fait que vous êtes pris dans un test qui est proportionnel, qui est sa troisième ligne, là, OK? Et puis, vous êtes pris à passer un test de dérapage. Là, Lévi, elle vous emmène à faire un 360 degrés dans le chemin. Et, heureusement, vous avez la chance de ne pas avoir de trafic. Et conséquemment, vous vous redressez, vous dites, « Ah, ouais, je savais pas qu'on pouvait vivre ça de même en auto. » Et puis là, ben, si vous êtes capable d'y revenir, tu sais, de revenir à votre cohérence, ben là, vous êtes rendu à ce stage-là. À un moment donné, vous prenez un autre ride, puis là, vous tombez dans un fossé, puis vous vous tapez à noix sur le volet en avant, OK? Vous avez, entre guillemets, un accident. Ça vous demande de vivre le test à ce niveau-là pour arriver à ça. Et on continue. Plus vous avez d'expériences négatives, mon père il avait une bonne expression. On s'entendait bien sur le gros bon sens, lui. Il disait, écoute, ben, toutes les expériences négatives, tu vas vivre avec ton char, puis que t'en meurs pas, ça va faire de toi un gars meilleur. Puis je suis d'accord avec ce point-là. Parce que dans l'âme, plus tu creuses ça groové, plus tu as des chances d'arriver à un succès proportionnel. C'est comme, tu peux pas expandre sans tenir compte des deux facteurs. Le test et le succès. Mm-hmm. Partant de ce point-là, pourquoi j'ai demandé à des femmes de venir tirer de la carabine? Ben, c'est pour la Tu sens ça? Qu'est-ce que vous avez qui est à peu près dans tous les films? Qu'est-ce qu'on a qui est à peu près dans la violence? La violence et l'amour. Fait que, ben, l'amour, on s'entend, le sexe, là. Si tu es capable de vivre ces opposés-là, que vous l'intégrez, quand une âme devient naturelle, tu peux t'attendre au plus grand succès dans les gammes d'appréciation de ta personne. Tu t'en vas vers ça. Les armes, c'est pas comme jouer au tennis. Tu penses jamais te défendre contre un voleur avec une raquette de tennis. À moins que c'est tout ce que t'as. Mais c'est clair que s'il colle une carabine dans le visage, il va réfléchir. Même s'ils sont deux, ils vont réfléchir ensemble. Puis ils vont se regarder, puis ils vont dire, oh, c'est mauvais ici, là. Mais une raquette de tennis, ça n'arrêtera pas personne. Au golf, peut-être, un peu plus. Puis encore, faut un bon swing. Mais une carabine, c'est vital. Ça dit tout ce que ça a à dire. Même chose que quand tu te promènes avec un char sport, style Lamborghini, Mercedes, BMW, Porsche. Ça dit tout ce que ça a à dire. Tu peux rouler toute ta vie à 100 km/h, puis tout le monde va penser que tu fais de la vitesse. Puis que t'es bon. C'est une impression, mais c'est une impression qui s'intègre. Moi, si j'étais avec une gang de moumounes, puis que je vois que ça veut aller vers le contact, mais que le contact, lui, il est ici. Il va falloir que ça descende ici. Il y a un parallèle entre être sur le contact puis passer proche de mourir. Il y a un parallèle. Quand tu n'as plus peur de la mort, là, t'as plus peur. Pas, tu t'exposes pas. Non, quand t'as plus peur, contact, il vient comme ça. Là, ça jase. Je demandais, je dis, Chris, comment ça fait que Bernard, moi, si on a le contact facile? Mais c'est parce que, ils m'ont dit, là-dedans, c'est parce qu'ils disent, vous avez joué avec la mort pas mal souvent. Lui, qui est chien, là, dans la cage, qui a été prendre 6 pieds 4 dans les Marines, puis qui était lacoté en le levant dans les airs, un gars de 250 livres. Tu te souviens quand il comptait cette affaire-là? Je vois que la mort en estime, là, puis bien d'autres affaires. Il nous a amené à Haïti, puis Haïti, tu sais, c'était un jeu de dés. Je t'ai aidé, puis on s'en va en chaloupe. Lui, moi, j'aime pas l'eau. Mais lui, la chaloupe, fallait aller chercher des oranges, il fallait aller chercher du poulet, en tout cas, ce qui restait d'un poulet. C'est jouer avec la mort. Puis c'est parce que tu joues avec la mort qu'à un moment donné, ça parle, ça jase. Vous me suivez? Tu joues avec, tu payes ton loyer, je sais pas, je vais me le payer à la fin du mois. Tu travailles avec un fonctionnaire. Tu entends qu'on est loin de la mort, là, tu sais. Ce que tu vas pouvoir jaser, c'est des Canadiens en fin de semaine, puis des affaires de même. Là-dedans, tu vas avoir des succès collectifs, mais tu n'auras pas de succès individuel. Tu t'es jamais vraiment fait peur dans la vie. Jamais, jamais. Rouler 250 km/h en moto, même si c'est pas légal, ça te rapproche de quelque chose qui te fait jaser dans ta tête. Me suivez-vous? Ben, c'est ça, l'intégration. Une personne intégrée, là, va vous le dire bien clairement, ça a le contact. Parce qu'il y a juste le contact qui est capable d'évaluer une vie. Puis tu n'évalues pas une vie en réfléchissant. Ça s'appelle genre, sacrément, je m'attendais pas à ça. Moi, quand j'ai eu le Benz, que je m'attendais pas à ça. C'était inaccessible. Quand vous arrivez dans des zones inaccessibles de votre vie, tu sais, je pense à elle, à ce qui vient un couple, là, ben écoute, quand ça devient inaccessible, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te manque dans ton succès positif de ci puis de ça. C'est qu'il y a un test négatif que tu n'as pas passé. Qu'est-ce que vous pensez que c'est le fameux test dans le couple? Hein? La capacité d'être seul? Non. La générosité. Si t'es pas généreux dans le couple, je ne donne pas 3 ans à vivre. C'est la générosité. Moi, je regarde un couple, il n'y a pas de générosité. C'est l'aliment du couple, la générosité. Ton gars va rentrer en prison, puis il dit non, on va le défendre. Mais c'est flagrant, là. Il a fait à l'État, il a fait au collectif. Puis t'es assez généreux pour lui dire, bien, je vais rester fidèle à toi, puis je vais t'emmener des oranges. Puis si t'es agissable, des citrons. Puis si t'es bien agissable, des limes, c'est-tu. Fait que, ouais, des limes pour aller scier barreau, hein, c'est bon. Un beau pensée. Mais chaque test, ou chaque, on va dire, atteinte à, tu sais, tu veux avoir telle chose dans la vie, là, peu importe si c'est quelque chose de matériel, ou c'est quelque chose comme un couple, c'est virtuel. Virtuel dans le sens que c'est pas tangible dans le matériel. Ça demande de passer des tests pour l'avoir. Dès que tu as passé le test, tu l'as automatiquement. Le succès est garanti. Mais si tu ne l'as pas, c'est parce qu'en quelque part, il manque quelque chose. Là, vous allez dire, ouais, mais en couple, moi, je peux être généreux, puis l'autre, il n'est pas. C'est, ça reste qu'il manque de générosité. Que tu sois capable d'identifier qu'il y a un manque de générosité. Ah, OK. On peut justifier qu'il y a un blocage, que karmiquement, tu as un blocage. Tu rencontres. Mais là, la question, faut que tu te poses, hein, c'est comment ça fait que je rencontre tout le temps des gens qui ne sont pas généreux? Ah, ça, c'est la question. Là, si tu, ça s'appelle change ta marmotte, là, tu sais, va-t'en vers un pélican, Chris, ça marche pas avec les marmottes, change de race. T'as un problème de race. Puis si t'as toujours ton même problème de race, peut-être que t'es de ce race-là, pis que toi non plus, t'es pas généreux ou généreuse. Puis c'est pas parce que t'es une femme que t'es automatiquement généreuse. Puis c'est pas parce que t'es un homme que t'es nécessairement pas généreux. Vous me suivez? Conséquemment, qu'est-ce qui fait passer le test? L'acceptation du test. Ah, sacrement, si tu penses que je vais vivre ça, moi, là, non. Ben, dès que tu dis non, tu viens de te plafonner. Là, t'es à une petite barre, puis à une petite barre, puis ça va rester toute ta vie là-dedans. Tu peux très bien être riche, millionnaire, tout ce que tu veux dans la forme, mais tu seras jamais intégré. Et t'auras jamais le contact. C'est-tu clair? Et là, si vous cherchez le contact absolument, ben, je vous le dis, il y a des tests négatifs. Allez-y pas là, pour la grosse envolée. Là. Vous ne pourrez pas vous ramasser champion olympique comme ça parce que vous voulez que. Il faut pouvoir le faire. Pouvoir le faire, c'est être capable de lire la vibration et la suivre. Vous n'êtes pas capable de lire la vibration, oubliez ça, avoir le contact. C'est un non-sens total. Il va vous pogner par surprise parce que vous avez une destinée à vous emmener à X place. Là. Fait que vous allez être, vous allez être clopin, là, tu sais. OK, là-bas. Mais si vous n'allez pas plus... Tu sais, quand il y a un trou gros de même, là, ça rentre pas gros de même, là, ça rentre gros de même. Fait que tu as juste un petit filet d'air, là, puis... Fait que, comprenez-vous ce que je veux dire? C'est comme un voilier. Mettez un voilier sous l'eau, pas de quille. C'est là, pas de quille. Oubliez ça, là. Il se passera rien, calice. Cheville, oui, pas à peu près. Puis un bateau, pas de voile, ben là, c'est juste du test, c'est une vie de misère, là. Fait que c'est ça. Fait que vous êtes des gens qui devez comprendre ces principes de base-là, de bien comprendre que ce qui est dur dans la vie, ce qui est négatif, c'est une occasion d'aller passer des tests pour être prête à...